ce printemps de l'ère glaciaire, où se serait gelé à la pompe le premier homme qu'il y eut sur terre, rentre et bredouille à la maison. C'est en pénétrant dans sa grotte que tout l'univers bascula, se coinçant le doigt dans la porte, où au lieu de crier oulala, le premier homme d'une voix très forte s'exprima pour la première fois. Il avait dit mère, il avait dit mère. Le dinosaure fut sidéré, le diplodocus atterré. Ça veut dire quoi ce qu'il a dit? C'est pas le patois du pays. Les animaux lui firent la gueule et l'homme se retrouva tout seul. Et c'est ainsi qu'a commencé la communicabilité, parce qu'il avait dit merde, il avait dit merde. Quand il vit qu'il pouvait parler, sa tête se mit à enfler. L'homo sapiens fit des discours, composa des chansons d'amour. Et puis sans rien dire à personne, il inventa le téléphone. La radio, la télévision, les meetings et les élections, et tous les grands hommes de l'histoire, de Gengis Khan à Jules César, et d'Abraham à Jésus-Christ, à un moment ou l'autre on dit pas Jésus. Toute aventure a une fin, oui, compris celle du genre humain. Quand le monde fit explosion, réduit en morceaux d'électrons, le dernier mot du dernier homme fut le premier du premier homme. Assis au bord de son néant, il dit en prenant tout son temps. Qu'est-ce qu'il a dit?